Allez les gars, tout le monde en piste. Cette année, il y aura plein de communistes. On sera de plus en plus nombreux. J'étais tout seul, on sera deux. Bonne année, bonne santé. On oublie tout, hein, on fait la paix. Bonne année, bonne santé. Une bonne année. Le vieux a l'air bien fatigué. Depuis quelque temps, eh bien, il bafouille. Il y a des jours où ça nous casse l'ambiance. On va fêter l'année nouvelle. Alors, à coups de matraque et de manches de pelle, on sera plus proche des immigrés, n'est-ce pas? Pour pouvoir mieux les tabasser. C'est le nouvel an. Allez, viens t'écouter, non mais pas question. Bonne année. Écoutez, je refuse. Pas sur la bouche, réfléchis. Allez, moi, Je vais être clair. Bonne année. Écoutez, ils sont déjà cachés. Bonne année, bonne santé. On oublie tout, on fait la paix. Bonne année, bonne santé. Petit dégueulasse.